La CIA d'Alan Dulles est, dans tous les sens du terme, un club très fermé. Dans la lignée de l'OSS, son recrutement est des plus aristocratiques. Nombre de ses dirigeants sont issus des plus hautes universités de la côte Est, formant la fameuse Ivy League, et en particulier de Yale. L'avocat Alan Dulles est pour sa part un ancien de Princeton. L'esprit dans lequel il dirige l'agence tient en quelques idées simples. Nous avons le pouvoir de faire tout ce que le président ordonne. Nous pouvons utiliser tous les moyens pour atteindre nos objectifs. La croisade contre le communisme est notre objectif suprême. Nous ne sommes pas soumis aux lois communes, nous ne répondons qu'au président et au département d'État. L'assassinat politique fait partie de notre panoplie d'actions clandestines, si le président l'autorise. Dans ce cas, nous devons tout faire pour préserver un déni plausible. Si la CIA est mise en cause dans un homicide à l'étranger, elle doit protéger le président en lui permettant de prétendre tout ignorer de l'opération. Dulles ne s'intéresse guère à la gestion quotidienne de l'agence qu'il délègue à ses adjoints. Celle-ci est organisée en plusieurs branches. Direction du renseignement, direction des plans, puis des opérations, agissant à l'étranger, y compris dans la collecte de renseignements, direction scientifique et technique, et direction administrative. Dans les années 1950, la CIA fait preuve d'une véritable boulimie d'actions clandestines. Soutien aux guérillas nationalistes chinoises en Birmanie, renversement du roi Farouk d'Égypte en 1952 et bien d'autres encore détaillés dans ce livre. C'est en 1960 que la plupart des Américains apprennent l'existence de l'agence avec son premier échec public. Un pilote d'avion espion U-2, Francis Gary Powers, abattu par les Soviétiques au-dessus de leur territoire le 1er mai, révèle publiquement son appartenance à la CIA et la nature de sa mission. Cet événement est le premier d'une longue histoire de défiance entre le peuple américain et ses espions, qui sera marquée par de nombreux films et romans. L'arrivée de J.F. Kennedy à la présidence met Cuba au premier plan de l'actualité avec l'échec de l'invasion de la baie des Cochons en avril 1961. Kennedy sanctionne Dulles en le remplaçant par John McCone, tout en commandant de nouvelles opérations contre Fidel Castro, que l'on dévoilera ici. Les avions U-2 de la CIA, qui avaient été à l'origine d'un scandale en 1960, prouvent cette fois leur utilité en révélant l'infiltration par les Soviétiques de missiles longue portée sur l'île de Cuba, déclenchant la fameuse crise des missiles en 1962. Successeur de Kennedy, assassiné en 1963, Lyndon Johnson renforce l'engagement américain au Vietnam et demande à la CIA d'y intensifier ses opérations. Les analyses de l'agence, souvent exactes quant au rapport de force Nord-Sud, sont écoutées mais pas prises en compte, et l'engagement américain va en s'intensifiant encore sous Richard Nixon. En 1972, le scandale du Watergate rejaillit sur l'agence, car plusieurs des plombiers pris en train de poser des micros dans le QG démocrate sont des retraités de l'agence dont ils utilisaient le matériel. Le patron de l'agence, Richard Helms, s'abstient d'accéder à toutes les demandes de Nixon pour couvrir le scandale naissant, mais il reconnaît ensuite sa loyauté. « Je travaille pour le président des États-Unis. » Dans les années 1972-1975, l'agence entre dans une spirale de scandales. Une bonne partie de ses crimes passés sont révélés par la presse et par les commissions d'enquête parlementaires Church et Rockefeller. Une reprise en main s'ensuit sous l'administration Carter, avec notamment un ordre exécutif interdisant à l'agence de participer directement ou indirectement à des assassinats, et un nouveau chef est nommé, l'amiral Stansfield Turner, qui se débarrasse de 600 agents engagés dans des actions clandestines. En juillet 1977 est formée une commission parlementaire permanente sur le renseignement, qui doit désormais surveiller les activités de l'agence en auditionnant ses dirigeants chaque fois que nécessaire. Autant dire que la période 1977-1981 marque l'heure du départ en retraite pour une génération qui a débuté 30 ans plus tôt et n'est pas habituée à ce que l'on contrôle ses activités de près. L'arrivée de Ronald Reagan à la présidence en 1980 marque un nouveau tournant. Il nomme un proche, Bill Casey, à la tête de la CIA avec rang de ministre. Cet avocat, vétéran de l'OSS, a dirigé la campagne présidentielle de Reagan. Farouche anticommuniste et peu porté sur le formalisme administratif, Casey entreprend de secouer l'agence pour renouer avec le bon vieux temps des opérations clandestines audacieuses, afin d'en finir avec l'Empire soviétique alors vacillant, mais que les estimations des soviétologues décrivent comme plus menaçant que jamais. Sa grande opération est le soutien à la guérilla anticommuniste du Nicaragua, financée par un stratagème destiné à contourner le contrôle du Congrès. Casey meurt en poste et n'aura pas le temps de rendre compte de ses irrégularités. Après 8 années de présidence Reagan, la CIA voit pour la première fois l'un des siens accéder au poste suprême en 1988. George W. Bush a en effet été un éphémère mais apprécié directeur de la CIA pendant presque 1 an, avant l'arrivée au pouvoir de Jimmy Carter en 1976. Un nouveau scandale éclabousse la CIA pendant la première présidence Clinton, 1992-1996. En 1994, le FBI arrête Aldrich Ames, une taupe au service des Russes depuis 8 ans. Cet officier du contre-espionnage qui menait grand train n'avait jamais été soupçonné par ses collègues, alors même que les indices s'accumulaient. Ce scandale aura raison du premier responsable de la CIA de l'ère Clinton, James Woolsey, remplacé par John Deutsch, ancien secrétaire à la Défense. Le règne de ce dernier ne dure que 20 mois, pendant lesquels il réoriente l'agence vers ses nouvelles priorités de l'après-guerre froide, lutte contre la prolifération nucléaire et le trafic de drogue international, espionnage économique. Bill Clinton s'est montré peu sensible aux affaires internationales et au rôle de la CIA pendant son premier mandat. Il s'y investit plus fortement pendant son second mandat, 1996-2000, et nomme en 1997 George Tenet, bien vu par la Commission parlementaire du renseignement. Celui-ci trouve une CIA empêtrée dans divers scandales, le moral au plus bas. L'enquête sur la trahison de Ames révèle de sérieuses carences de l'agence, qui a caché au FBI des informations qui auraient pu permettre de l'arrêter bien plus tôt. Une opération de renversement de Saddam Hussein en Irak s'est conclue en désastre avec le massacre d'une centaine de Kurdes ayant aidé la CIA. On accuse encore l'agence de collusion avec des trafiquants de drogue sud-américains, etc. George Tenet tente de redorer le blason de la CIA en communiquant dans les médias et en motivant de nouveau ses équipes, sans toutefois oser conduire des réformes en profondeur. Le terrorisme islamique est bien identifié comme une priorité après divers attentats contre des intérêts américains, mais la menace trop diffuse, les rivalités avec le FBI et les militaires, et une obéissance trop servile aux inflexions de la politique présidentielle, ne permettent pas d'empêcher les attentats à l'étranger et celui du World Trade Center. Relativement consensuel, Tenet est maintenu en fonction par George W. Bush sur le conseil de son père, Bush Sr., puis confirmé après les attentats du 11 septembre, selon le principe qu'on ne peut changer de capitaine par gros temps. L'agence s'illustre dans la préparation de l'invasion en Afghanistan, pays qu'elle connaît bien, pour y avoir soutenu la résistance afghane aux Russes dans les années 1980. Mais lorsque l'administration Bush décide de s'attaquer à l'Irak de Saddam Hussein, la CIA se retrouve sur le fil du rasoir, essayant de fournir des preuves de la présence d'armes de destruction massive sur le sol irakien. En position de faiblesse par rapport au Pentagone et au secrétaire d'État Donald Rumsfeld, Tenet ne peut ou ne veut imposer l'analyse nuancée qui est celle de ses spécialistes, offrant ainsi sa caution à l'administration Bush. Cet ouvrage apporte un témoignage éclairant sur la façon dont l'information disponible a été retraitée pour convenir aux attentes du pouvoir politique. À partir de 2004, à la lecture du rapport de la commission parlementaire sur le 11 septembre, les critiques se multiplient à l'encontre de la CIA. Le 8 juillet, Tenet démissionne, officiellement pour raisons personnelles, et prépare sa défense sous forme d'un livre de mémoire qui paraîtra en 2007, mais sera fraîchement accueilli. Il est remplacé par Porter Goss, un ancien de la CIA sans état de service particulièrement brillant, devenu membre républicain du Congrès en 1988, et co-auteur d'un rapport parlementaire très critique sur la CIA de Tenet. En décembre de cette même année, une réforme suggérée par la Commission sur le 11 septembre instaure un directeur du renseignement, qualifié par la presse de « tsar du renseignement », distinct du patron de la CIA. C'est un nouveau camouflet pour l'agence dont le directeur cumulait jusqu'ici ses fonctions avec celles de coordinateur de toutes les autres agences. Surtout, le nouveau tsar n'a qu'un poids politique relatif par rapport au tout-puissant Pentagone, qui contrôle la part du lion du budget de la sécurité nationale et empiète de plus en plus sur les missions de la CIA à l'étranger en constituant ses propres troupes paramilitaires. En février 2005, le président Bush nomme comme tsar le diplomate conservateur John Negroponte. Plus encore que dans les années 1990, l'agence souffre d'une hémorragie d'agents expérimentés, démoralisés par les critiques et rebuffades et attirés par les salaires avantageux du secteur privé. En raison de son recrutement trop homogène, essentiellement de brillants jeunes diplômés blancs, elle parvient de moins en moins à s'adapter aux besoins géopolitiques du renseignement et manque cruellement d'agents susceptibles d'infiltrer des groupes terroristes au Moyen-Orient. Le nouveau directeur, Porter Goss, ajoute à l'amertume générale en purgeant l'agence de la plupart des agents expérimentés qui restaient en poste et en développant plus encore que ses prédécesseurs les couches bureaucratiques aux dépens du terrain. En 2005, la moitié des agents restants ont seulement 5 ans d'expérience ou moins, et l'on ne peut faire autrement que de leur confier des postes à responsabilité trop importants pour eux. En mai de cette année, George W. Bush démet Porter Goss de ses fonctions en raison d'un scandale naissant. Il avait nommé au poste de numéro 3 de l'agence un de ses anciens hommes de main, Kyle Dustin Fogo, qui s'était rendu coupable de fraude et blanchiment d'argent. Porter Goss est remplacé par un militaire, le général Michael Hayden, ancien patron de la National Security Agency. Cette nomination donne le signal à contre-temps d'une priorité donnée aux renseignements électroniques, les écoutes, sur le travail de terrain. Début 2007, c'est au tour de John Negroponte de quitter le poste de tsar. Il est remplacé par un militaire, l'amiral en retraite Mike McConnell, qui vient de pantoufler plusieurs années dans un cabinet de consultants. Les militaires contrôlent désormais tout le renseignement, ou presque, accomplissant en partie la prophétie du président Eisenhower à la fin de son mandat sur le risque d'une prise de pouvoir par le complexe militaro-industriel. Toute nation démocratique a besoin de services secrets pour protéger ses intérêts. Par nature, aucun service secret ne peut fonctionner efficacement sans enfreindre, à un moment ou un autre, la loi de pays étranger, voire de son propre pays, la décision de transgression étant affaire de contrôle et de responsabilité politique. Notre propos n'est donc pas de les diaboliser en tant que tels, encore moins de porter un jugement moral sur leur action à la place du lecteur. Mais plus simplement, de lui fournir les clés de compréhension de quelques affaires du XXe siècle dont nous vivons encore les conséquences aujourd'hui. La vingtaine de dossiers dévoilés ici la liste n'est pas close, ont en commun d'être avérés et recoupés, donc de permettre au lecteur de faire la part du fantasme et de la réalité. Il nous montre que les États-Unis ont depuis longtemps un sérieux problème avec leurs espions, et que ce problème n'a rien de ponctuel, mais correspond à une mentalité et à des comportements répétés depuis 6 décennies. Ces affaires ont contribué à créer un lourd héritage, qui est celui de tous les pays occidentaux. Prolifération nucléaire, islamisme, trafic financier, drogue, domination des intérêts pétroliers.